L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce jeudi 20 juin, l'AFPA Grand Est organise la seconde journée portes ouvertes de l'année, une journée pour un nouvel avenir professionnel. Sylvie Cuc, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice des centres Nancy et Pompey, donc deux des 16 centres qui vont ouvrir leurs portes ce jeudi. Une journée portes ouvertes qui s'adresse à qui en priorité ? Alors, nos journées portes ouvertes s'adressent finalement à tout le monde. Bien sûr, certainement avec une focale pour les personnes en recherche d'emploi. Néanmoins, nous y accueillons également des personnes salariées qui cherchent également à se reconvertir. En conséquence, c'est bien une journée ouverte à tous, en tout cas à toute personne qui a envie de réfléchir à son avenir, qui cherche à se reconvertir ou tout simplement à trouver un emploi parce qu'elle est en situation de demandeur d'emploi. Nous accueillons des personnes, on va dire de 18 à tous âges. Nous avons des personnes chez nous en formation et en reconversion qui peuvent avoir même plus de 55 ans, sachant que la vie professionnelle peut être aussi une longue vie. Souvent, il n'est pas rare de voir des personnes travailler encore à 65 ans. Donc, à 55 ans, parfois, pour certaines personnes, il leur faut encore trouver une dizaine d'années pour terminer une carrière professionnelle. Voilà, donc en réalité, chez nous, on travaille avec et pour des personnes qui ont déjà eu souvent, en tout cas le plus souvent, une expérience professionnelle, ou parfois pour des personnes qui se sont engagées dans des formations ou dans une formation initiale, soit qui n'a pas plu, soit qui n'a pas totalement débouché vers des attendus. Donc on peut aussi bien travailler chez nous avec des personnes qui ont 18-20 ans et qui ont envie soit de terminer un cycle professionnel ou de changer complètement. En réalité, à l'AFPA, on a vraiment tout type de situation pour réussir à cheminer vers un emploi et surtout faire connaissance avec des secteurs d'activité, des secteurs professionnels notamment, qui recrutent. Alors justement, on va peut-être s'intéresser notamment au secteur qui vous concerne sur les centres de Nancy et Pompey. Il y a des domaines d'activité qui sont plus particulièrement proposés sur ces deux centres. Oui, donc sur Nancy, nous avons un centre qui est orienté tertiaire, section tertiaire et commerce, et également section seconde œuvre du bâtiment. On y trouve également les métiers d'aide à la personne. Et sur les centres de Pompey, nous trouvons de la formation en informatique, en électricité et en réparation électroménager. Sur Pompey, nous sommes situés tout près de la sortie d'autoroute et sur nos deux centres, nous proposons un service de restauration et nous proposons sur Nancy un service d'hébergement qui permet d'ailleurs aux personnes même de Pompey de pouvoir venir être hébergées à Nancy. L'hébergement en centre AFPA est gratuit pour les personnes demandeurs d'emploi et pour les personnes qui sont en reconversion, donc qui sont salariées. Donc nous pratiquons des prix très modérés de façon à pouvoir les aider à pouvoir se loger sur ces périodes. On sait aussi que ce sont des périodes qui sont pas forcément facile, puisque nous travaillons avec des adultes. La moyenne âge donc chez nous est à peu près de 30-35 ans. Très souvent, nous avons des personnes qui ont déjà une famille, des enfants. Lorsqu'elles viennent d'un petit peu plus loin, lorsque ça nécessite un déplacement, ça peut être intéressant de trouver de quoi se loger sans pouvoir faire des dépenses supplémentaires. La durée des formations en moyenne, elles sont de quel ordre ? Alors, on peut avoir des formations qui sont relativement courtes, notamment des formations lorsqu'il s'agit des formations dites réglementaires, comme de la visitation électrique, du secourisme, vous voyez, des choses comme ça, où là, vraiment, on est sur des périodes très courtes. Mais globalement, nos sections visent ce que l'on appelle le titre professionnel du ministère du Travail, puisque nous dispensons les titres professionnels du ministère du Travail. Et nous avons des sections qui durent en moyenne 6 mois. Alors, c'est, je dirais, relativement court, mais ça peut être aussi parfois relativement long lorsqu'on est un adulte. C'est pour ça que nous apportons également un service d'appui et un environnement qui va permettre aux personnes de pouvoir se poser, entre guillemets, et de pouvoir se consacrer entièrement à leur formation, sachant que partir en formation lorsque nous avons quitté un domaine scolaire depuis des années, ce n'est jamais quelque chose de très facile. Ça engendre aussi parfois un petit peu de stress, hein, entre guillemets. Et donc, nous faisons tout à l'AFPA pour faire en sorte que l'environnement soit bien orienté, soit consacré entièrement à ce moment qui est plutôt relativement dense, puisque un titre professionnel, par exemple en informatique, nous visons les niveaux 4 à 2, hein, ancien niveau, je parle d'ancien niveau tout simplement parce que ça parlera plus certainement aux auditeurs, c'est-à-dire que nous allons de niveau bac à niveau licence. Nous formons sur une petite année, ça veut dire que les personnes sont vraiment très très prises. Simplement, elles vont vivre une année extrêmement dense, à ne faire quasiment que ça, de façon à pouvoir sortir et avec le titre professionnel. C'est-à-dire que nous faisons tout pour que les personnes puissent vraiment consacrer ce temps à obtenir leur titre professionnel. C'est important, hein, se reconvertir. Alors peut-être que les personnes vivront plusieurs fois dans leur vie professionnelle de ces moments-là. Néanmoins, ce sont quand même des moments très, très spécifiques dans une vie d'adulte. Alors bien sûr, cette journée portes ouvertes, c'est la deuxième de l'année. On va pouvoir poser toutes les questions. On va rencontrer qui sur place ? Alors sur place, les personnes vont rencontrer, on va dire, quasiment toute notre équipe. Déjà, nos équipes de recruteurs. Nous avons des recruteurs professionnels chez nous, qui vont pouvoir passer un moment en face à face avec la personne de façon à pouvoir répondre à des questions précises sur la formation, les difficultés de la formation, le métier également. Et puis, nous aurons l'ensemble de nos formateurs qui seront à disposition dans les ateliers. Donc, le centre est totalement ouvert. Donc, chaque formateur sera dans son atelier pour pouvoir recevoir les personnes, voire même échanger avec les stagiaires, hein, dans les sections, de façon à ce que chaque personne puisse se rendre compte de comment est-ce que nous vivons en situation de formation. Sur, par exemple, toute la partie seconde œuvre du bâtiment, nous avons créons des espaces tout à fait similaires à ce que nous pouvons vivre sur le terrain. Donc, ce sont des endroits qui sont extrêmement, extrêmement concrets, extrêmement parlants, entre guillemets, pour une personne qui va se déplacer. Nous allons pouvoir imaginer ce qu'est, par exemple, un métier de plaquiste, puisque nous reconstituons des parties de l'habitation, un métier de maçon en ce moment, donc nous travaillons sur des murs, sur des enduits, sur des choses très très spécifiques, donc les personnes vont pouvoir se rendre compte de comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on apprend en situation de formation à la fin. Voilà, donc il suffit de venir, alors c'est de 9h à 12h, de 14h à 16h, on vient soit le matin, l'après-midi, on vient quand on veut. Oui. Hein, tout simplement. Tout simplement, à n'importe quel moment, on entre et la personne sera accueillie, pas de problème. Voilà. Eh bien, écoutez, Sylvie Cuc, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être pour les auditeurs, pour leur donner envie de sauter le pas, de passer outre peut-être les inquiétudes ou les questions qu'on peut se poser? Moi, je dirais le dernier mot, c'est que faisons tomber les murs. N'hésitez pas à venir voir ce qui se passe derrière les murs en situation de formation, vraiment sans crainte. Toute question, je pense, est vraiment bonne. Vous verrez, vous serez accueillis. Nous faisons également d'ailleurs participer une section. Hein. Ce sont nos stagiaires assistantes ressources humaines également qui nous appuient lors de cette journée. Ça veut dire que c'est véritablement un moment où on peut obtenir l'ensemble des réponses à ces questions. Voilà. Donc n'hésitez pas, poussez la porte. Voilà, nous serons là pour accueillir toute personne. Alors pour l'AFPA Nancy, c'est 75 boulevard Foch à Laxou, et pour l'AFPA Pompey, c'est Zach Banladame, 56 square Herzog à Frouard. Et bien sûr, donc il y a 16 centres, voilà, dans le Grand Est, donc il y a le choix, et on retrouve tout ça sur le site de l'AFPA, www.afpa.fr. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.